Leçon 3. Troisième leçon. La chambre numéro 3. Première partie. L'hôtel du Nord. Je suis réceptionniste. Je suis le réceptionniste de l'hôtel du Nord. Je m'appelle Georges Louvier. Je voudrais être gérant d'hôtel. L'hôtel du Nord n'est pas un grand hôtel. Ce n'est pas un hôtel cher. Mais c'est un hôtel excellent. L'hôtel a 6 étages. Nous avons le chauffage central. Naturellement, nous avons aussi l'eau chaude et l'eau froide. Dans chaque chambre, il y a le téléphone. Le gérant est très aimable. Les femmes de chambre sont très aimables. Et moi aussi. L'hôtel a 20 chambres. 3 chambres ont une salle de bain. Et 5 ont une douche. Les chambres ne sont pas chères.